Salut mon ami, comment vas-tu? Salut. Oh ben, t'as bonne mine. Pardon? T'as bonne mine. Oui. T'es Ça faisait dehors. vraiment très. Là, je suis dehors, oui. Il y a du Ouais. soleil, mais je ne me suis pas mis au soleil parce que les écrans sont moins forts que le soleil, donc on ne Ah, voit ça rien. c'est sûr. Ça c'est C'est ça. sûr. Mais t'as toujours le même ordi? C'est toujours le même ordi, oui. Parce que je te vois moins net que d'habitude. Ah. Alors attends, peut-être que c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, je t'entrevois, je t'entrevois. Alors, parle-moi un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, qu'est-ce que je deviens? Je suis le papy à la maison, hein, en attendant que la deuxième arrive incessamment sous. Donc, pour l'instant, elle n'est pas sortie. La dernière visite du docteur, c'était ce matin. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais elle n'est pas prête. D'accord. OK. Donc, voilà. Côté santé, ça va. Je remonte. Bon, il y a encore je dirais quelques petits maux de tête ici et là, mais sans ça, ça va. C'est mieux que Sylvie qui, elle, a dû demander une deuxième semaine d'arrêt qui, là, elle est un peu laminée. Elle est à Strasbourg, là. Elle était retournée pour retravailler et en fait, elle a pas pu prendre son vélo. Elle avait des défauts L'équilibre. d'équilibre. Voilà. Donc, elle a été encore arrêtée une semaine et puis on verra si dans 8 jours ça va mieux ou voilà. Et les grands-parents? Les grands-parents, alors la mamie qui est à l'hôpital est toujours à l'hôpital, mais en service non Covid. C'est bien. Tout simplement parce que son état, en fait, est largement au-delà de cette affaire de Covid. C'est-à-dire que son mal initial est plus grave que le Covid lui-même. D'accord. Elle l'a eu, mais en fait, c'est passé dessus sans gravité, en fait. Il n'y a pas eu de. Sauf que, en fait, elle a perdu énormément d'énergie, ce qui fait qu'elle est Bien très sûr. très faible, très très faible. Du coup, pendant très longtemps, enfin un bon moment, elle ne s'est pas levée. Alors maintenant, pour se remettre à marcher, c'est la croix et la bannière. Donc elle a besoin du kiné. Et, voilà. D'accord. C'est, Elle est toujours à c'est... l'hosto. Elle est toujours à l'hosto, ne serait-ce que pour la protéger par rapport je dirais, à d'autres infections. Parce qu'en fait, elle les cumule. Chaque fois qu'il y a une faiblesse qui se rapproche, elle se prend une infection nouvelle qu'il faut retraiter aux antibiotiques. D'accord. Et voilà. Donc, bah, c'est pas génial. C'est quand même une lente descente parce que c'est pas mieux, quoi. Chaque jour, c'est une descente. Alors, on D'accord. attend. Personnellement, je pense qu'elle attend la venue de la petite pour partir, quoi. Ah, ça c'est possible. Voilà. Ça c'est possible. Oui, parce que dans leur inconscient, si tu veux, les gens très fatigués, eh bien, ont des petits éléments de conscience ou d'inconscience qui font que, ben, ils savent que c'est pas encore le moment, quoi. C'est ça. J'ai le même problème avec mon père. Mon père, il a décédé le lendemain de la dernière fois où j'étais le voir. Ah oui. C'est. Ouais, bon. Et pourtant, il était en triste état, hein, mais bon. On a eu la même chose avec notre première fille, à qui d'ailleurs on a donné le nom de la grand-mère, puisque la grand-mère est décédée le lendemain, de D'accord. sa grand-mère. D'accord. Et ton beau-père? Alors lui, bah, il a survécu. Bon, pendant un moment, il dormait 20 heures sur 24. Ouais. Et depuis, bah, il s'est bien remonté. Mais il est de plus en plus inquiet parce que, en fait, il a peur qu'elle revienne à la maison. Et comme c'était déjà très dur avant, D'accord. là, ça va être très impossible pour lui d'assumer l'aide. Mais vous Du a... coup, Oui. Sylvie envisageait de prendre le fameux congé pour accompagnant, mais elle n'est pas en état. Donc, pour l'instant, Le c'est congé accompagnant pour accompagner qui? Son père pour aussi? accompagner la mère. La mère. Bah, En fait, les deux. D'accord, parce que je Parce pense que que la lui, pour se mère, suivre. elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital, mais elle a besoin, il faut qu'on la visite, parce que c'est très dur pour elle, quoi. Et lui, c'est pour ça... il ne peut pas visiter sa femme ? Alors, il y va, mais comme il la voit descendre, il n'a pas les mots d'encouragement, quoi. C'est très difficile, quoi. D'accord. Et en plus de ça, comme elle ne peut pas répondre, parce qu'elle est traquée, automisée, il n'y a vraiment pas d'échange, quoi. C'est dommage. D'accord. Ouais, c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Ouais. Bon, ben écoute... Voilà pour les questions de santé. Les questions de santé, ouais, mais on voit que ce Covid, ça a fait des sacrés dégâts, hein. Ça fait du dégât, oui. Ça fait du dégât, mais... Il y a des restes, en fait. Il y a des séquelles. Complètement. J'en connais quelques-uns comme ça qui sont passés, mais qui, à chaque fois, ils ont une séquelle qui correspond très souvent à une de leurs faiblesses initiales. Mais bien sûr, voilà. Mais bien sûr. Cette saloperie-là va taper sur ton point faible. Bon, ton point faible, c'est une fragilité quelconque. Hein. Mmh. Bon, ben voilà, écoute. Et de votre côté ? Eh ben, de notre côté, nous, on fait extrêmement attention à ne pas, pas se faire contaminer. Hein. On sort très peu. On ne bouge pas, pratiquement. Moi, je fais, quand il ne pleut pas, une heure de marche tous les jours autour du pâté de maison, quoi, comme indiqué. Et puis, derrière, Michaela, elle va au contact et elle ne peut pas s'en empêcher, quoi. Parce que ça, c'est sa façon d'être. Ce qui fait que, bon, bah, on s'engueule un peu à ce sujet. Je lui dis, bah oui, je lui demande de faire attention, etc. Mais elle ne se rend pas compte, quoi. Mais quand tu la sermonnes un petit peu... Là, elle redevient adulte, quoi, et bon, et elle comprend mieux, mais bon. Oui, mais en même temps, on entend, on a de plus en plus de psys qui commencent à pousser des cris d'alarme, parce que la solitude, ça détruit. Il y en a certains qui se cassent la figure là-dessus, hein, qui se détruisent. Complètement, mais je pense que, je ne pense pas qu'elle soit seule, hein. Oui. la preuve. Mais effectivement, elle a plus de besoin que moi d'aller vers les autres. Voilà. Mm. Dans notre immeuble, tout le monde s'est un petit peu barricadé, quoique on se rencontre toujours sur les mêmes promenades. Et les discussions qu'on avait hier sur le pas de nos portes, on les a au bord du loch. Voilà. Oui. Voilà, sinon, que te dire, on a... Ben là, aujourd'hui, Michaela, elle est à Quiberon. Elle est à Quiberon parce qu'elle a acheté une nouvelle voiture. Et cette voiture, la carte grise, arrive à Quiberon. Alors, elle est arrivée à Quiberon et il fallait aller chercher la carte grise. Et comme ce n'est pas un motif de sortie... Ah ouais. Ah oui. Ben oui. C'est vrai que ce n'est pas marqué sur la feuille. Ce n'est pas marqué sur la feuille. Donc, ben voilà, elle arrange le coup... elle a demandé aux flics, etc. Bon, voilà. Voilà. Sinon, moi, ben, je suis empêtré avec toutes les affaires de notre immeuble dont je suis le conseiller syndical. Et on a des tas de problèmes de pompe. Alors, je pense régulièrement à toi quand nous avons des problèmes de pompe. Si tu te souviens de la géographie de notre immeuble, il est au fond d'une cour, quoi, cet immeuble. Oui, hein, il faut remonter. Donc, tous les effluents sont à remonter. Sauf qu'il y a eu des tas de... Bon, je ne vais pas te raconter toute notre vie, mais on avait quand même, hier, 4 camions de la société qui s'occupe de ça, etc., sur la cour pour vider, pour changer, pour ci, pour ça. Et ça vient essentiellement de malfaçons sur lesquelles notre constructeur n'a pas veillé, quoi. Donc on en paye les frais. On en paye les frais et moi je vais me battre pour limiter ça. Mais bon, c'est un combat qui est usant parce que c'est jour et nuit, quoi, parce que les pompes, elles se mettent en rideau la nuit, elles se mettent en rideau le week-end, elles se mettent... Voilà. Bon, tu vis plus, quoi. C'est pour ça que j'attendais avec impatience notre petit moment de rafraîchissement autour, ça va être les sources, la source vive. Et ça va me faire beaucoup de bien d'avoir un petit peu de spiritualité au milieu de toutes ces morbidités et autres effluents. Oui. Voilà. Comme tu me parlais des pompes, ça a été quasiment mon travail pendant 15 ans en tant que bureau d'études. Je passais mon temps, en fait, à montrer que le travail avait été mal fait, quoi. Usant. C'est usant. Si tu veux, le conseil syndical dont je fais partie, on n'est pas des professionnels des pompes, quoi. Puis d'ailleurs, quand on a acheté, on ne savait même pas qu'il y avait des pompes. Alors, tu vois, D'accord. Oui. Bon. Et comme on a un syndic qui fait le strict minimum, écoute, je ne veux pas te parler de ça maintenant. On est là pour échanger, pour passer du bon temps ensemble. Et je pense qu'on va essayer de ressortir grandi de notre entretien que j'enregistre. Hein, là, tu le vois. Mais dès qu'on produit un peu de travail, j'enregistre de façon à ce qu'il y ait une trace de nos pérégrinations à travers toutes les vicissitudes de la vie et la compréhension d'un jardin merveilleux, quoi. Hein ? Oui, c'est ça. Un jardin qui continue de rentrer dans le merveilleux, mais à une vitesse qu'on ne contrôle pas pour l'instant. Voilà. Bon, mais, photos que je t'avais envoyées. Je t'ai envoyé des photos il y a quelque temps. Oui. Voilà. C'est bien. J'ai juste regretté de voir qu'il y avait encore des tomates et que personne ne les ramassait. Je peux te dire qu'il n'y en a plus maintenant, parce que j'y suis retourné depuis. Il n'y en a plus. Je pense que le jardin est en bon état, si tu veux. Oui. T'as pas trop de broussailles, t'es intervenu au bon moment, quoi. Et je pense qu'il va passer gentiment l'hiver. C'est ça. Il était en sève descendante, donc finalement, ça ne repousse pas trop derrière. Voilà, ça repousse pas trop. Donc tout va pour le mieux dans ce domaine. Alors, quel est notre travail aujourd'hui ? Alors, moi j'ai commencé à travailler c'était un sujet que je proposais, donc c'est moi qui commence. La dernière fois, c'est toi qui commence, mais tu rappelles le sujet. Parce que comme je te l'ai dit, tu es enregistré, et il faut que ceux qui écouteront ça dans les années à venir comprennent quelque chose. Alors, c'était quoi notre sujet ? Alors, le sujet, c'était source d'eau vive, avec le rapporté au jardin merveilleux. La source d'eau vive. Rapportée au jardin merveilleux. Voilà. Bon, ça, c'est intéressant. Juste avant que tu commences, j'ai étayé ma réflexion avec un bouquin que j'ai retrouvé qui s'appelle « Le dictionnaire de la Bible ». Ah oui. Tu le connais ? Oui, j'en ai un aussi. Ouais. Ah, voilà. Ouais. Donc... ce que je développais est aussi en rapport avec ce bon dictionnaire. Voilà. Ça marche, comme ça, on va sans doute se retrouver sur pas mal de points. Oui, je pense, j'espère en tout cas, ou pas, ça dépend. Alors... T'as eu le temps de travailler ? Alors déjà mon travail n'a commencé qu'assez récemment. Je te posais la question. Est-ce que tu as eu le temps de travailler ? Parce que reporter, personne ne nous oblige à... Hein, j'ai avancé là-dessus, mais depuis 3 jours, quoi, à peu près. 3-4 jours. D'accord. Donc, Avant, c'était impossible de se concentrer mais sur quoi évident, que ce soit. Mais c'est évident. Ouais. Alors... Source d'eau vive. Je vais faire un peu comme dans les thèses. On commence déjà par présenter summary. D'accord. Et c'est l'objet. En fait, l'aboutissement, c'est que sur le terrain, il y a une source, et que cette source, elle est en bas. Il pourrait y en avoir d'autres au-dessus, puisque j'avais envisagé de récupérer les eaux qui coulent sous le sol en haut. Pour pouvoir alimenter quelque chose, puisque le terrain est en pente. Et par contre, il y a une chose qui, après mes recherches, je dirais spirituelles là-dessus, c'est l'essentiel, c'est que l'eau ne fera que passer, contrairement à, par exemple, au jardin de Versailles, l'eau ne tournera pas en boucle, elle ne fera que passer. L'eau ne remonte jamais à la source, en gros. Pour l'instant. Donc, ça, voilà. Pour l'instant. Pour qu'elle soit vive, en fait, l'eau n'a pas à remonter à la source. Je vais étayer ça. Alors, déjà, en prenant la source, c'est l'origine. L'eau, c'est ce qui abreuve et permet la vie. Alors, j'ai recherché à la fois dans la question biblique et dans le Coran. Ah, intéressant ça. D'accord. Où l'eau a aussi une grande part, mais de façon beaucoup moins imagée que dans la Bible. L'eau, en fait, on présente souvent l'eau vive comme celle qui bouge, en opposition aux eaux stagnantes. Bon. D'ailleurs, on ne dit pas les eaux vives, mais l'eau vive. Alors que dans la Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, qui n'étaient pas présentées comme vives à l'époque. Mais c'est lui qui les a rendues vives. Voilà. Les eaux, alors, quand on suit la Genèse, les eaux ont été séparées en deux, celles d'en haut et celles d'en bas. Exactement. Et ensuite, les eaux d'en bas sont regroupées pour qu'apparaisse la terre. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour l'instant, en fait, il n'y a pas de vif. Il n'y a rien de vif. Il y a juste l'action de Dieu. Et cette action, on la retrouve aussi au niveau du Coran, l'action d'Allah. Mais dans le Coran, elle est présentée comme étant source de toute vie. Une citation, c'était « Nous avons tiré toute matière vivante de l'eau ». Voilà. Donc, cette eau, elle figure 4 fois dans le texte coranique et elle est posée comme étant valable tant pour le paradis que pour le monde d'ici-bas. Hommes, bêtes, végétaux, etc. Voilà. Et elle est toujours associée à la félicité suprême. La félicité suprême, qui est donc le paradis, suppose toujours la présence d'eau. Et de part et d'autre, et c'est là que c'est intéressant parce que ça fait le lien, il y a toujours des jardins. De part et d'autre de l'eau, il y a toujours des jardins. Et l'eau y coule à flot. Fontaines, fleuves, sources, parfumées au camphre, etc. Donc il y a énormément de références à l'eau dans ce lieu de félicité suprême. Alors là, j'avais noté pas mal de choses. Tout ça, je l'ai écrit et je t'enverrai le texte. Bon, l'eau participe à l'essence du paradis. Le parallélisme entre l'eau, les formules où il y a l'eau et le bonheur. Il y a un parallélisme qui est réputé comme équivalent. Il est présenté aussi comme expression, l'eau est présentée comme expression de la miséricorde divine. C'est-à-dire, c'est l'eau qui purifie. Et qui pardonne et qui purifie. Il montre en tout cas que c'est le flux venant d'Allah. Je suis allé après un peu plus loin. On retrouve dans le Coran le mouvement vertical, toujours aussi, au niveau de l'eau. C'est-à-dire, quand on a dès la Genèse les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, eh ben, on la retrouve aussi dans le Coran. Ce miroir, en fait, c'est un miroir. Voilà. L'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Donc, dans le Coran, comme d'ailleurs dans la Bible, on retrouve la fonction de l'eau qui est de purifier, mais qui pourrait être aussi de détruire. Puisque, avec Noé, il y a eu une destruction, que l'homme peut se noyer dedans, mais il ne se noie pas dans l'eau vive. L'eau vive, en fait, est présentée beaucoup plus facilement dans la Bible. Et là, en fait, il n'y a aucune possibilité de se noyer on n'a pas de trop-plein, en fait, puisque l'eau ne fait que passer. Bon, on a vu que l'eau pouvait détruire, puisque Pharaon et son armée ont été engloutis au niveau du passage de la mer Rouge. Bon, il y a plusieurs endroits où, en fait, l'eau est aussi destructive. J'en viens à mes réflexions suite aux lectures de la Bible. Alors, il y en a une qui m'a beaucoup intéressé et sur laquelle je continue de réfléchir. C'est, alors j'ai cité le... C'est, alors, on parle beaucoup d'eau à droite et à gauche, mais Ésaïe 55, et qui fait référence à un peu la dynamique que je veux pour ce jardin. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Voilà. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est acheter, mais vous n'avez pas besoin d'argent. Là, il y a quelque chose qui est assez remarquable. Je n'ai pas trouvé encore de... j'ai cherché un peu les religieux et les chercheurs disaient là-dessus. Et je suis resté sur ma soif, c'est le cas de le dire. Parce que, justement, ils ne parlent pas de cette opposition-là. Vous n'avez pas d'argent, mais venez acheter et manger. Il y a quelque chose qui est difficile. Je vais un peu plus loin. Voilà. L'eau est citée partout pour introduire à la vie, en comparaison à la sécheresse, à la terre desséchée. Sans eau, la terre est desséchée. En Genèse, alors c'est important pour ça, parce que la terre est desséchée. J'ai défini l'année 2021 comme étant le champ de la terre. On commence par la terre et pas par l'eau. La terre qui en fait sans eau est desséchée. En Genèse, les eaux citées ne donnaient pas la vie. C'était une masse dans l'ombre. C'est l'esprit qui structure et génère la vie, créant le mouvement, mais pas l'eau. Mais comme l'homme rapporte tout à son corps, qui a soif et faim, l'image de l'eau et du pain, en fait, reviennent tout le temps. Tout simplement parce qu'on a l'impression que l'homme ne comprend que ça, ne comprend que, étant corps d'abord, il ne comprend que la soif et la faim. L'image de l'eau est donc prise pour lui faire comprendre comment se génère et se régénère la vie. L'eau en elle-même n'est rien de plus que de la matière. Par contre, ce que Jésus montre à Cana, aux noces de Cana, ce n'est pas l'eau qu'il offre, mais du vin, car c'est le vin qui manquait à la fête. C'est pareil pour le pain vis-à-vis de la faim. La boisson servie lors du dernier repas est dans une coupe, et il la présente comme son sang versé pour nous. C'est encore toujours dans un flux que se transmet la vie, dans un flux liquide. Et après sa mort et sa résurrection, il se présente aux apôtres et souffle sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». C'est encore un flux. C'est toujours un flux, en fait. Et dans la Genèse, c'est bien le souffle de Dieu qui donne vie à Adam. Encore un flux. C'est-à-dire que sans flux, la matière ne suffit pas. L'eau vive ou l'eau qui jaillit est un flux chargé de l'Esprit. La différence avec ce que l'homme fait de l'eau, fontaine, jet, etc., c'est que c'est une eau nouvelle, pas la même, qui tourne en boucle après mains artifices qui font croire à son pouvoir de régénérescence. C'est toujours une eau nouvelle. Alors, on comprend que le blasphème contre l'esprit nous condamne. Parce qu'on parle, je ne sais pas si tu te rappelles, vous pouvez blasphémer contre Dieu, vous pouvez blasphémer contre moi, mais ne blasphémez pas contre l'Esprit Saint. Alors pourquoi il nous condamne ? Parce que l'esprit, c'est le flux. C'est ce qui crée le flux. Sans l'esprit, nous n'avons pas le flux. Sans le flux, pas de vie possible, même en présence d'eau. Et ça, c'est corroboré par plusieurs textes que j'ai cités. Hein. Comment utiliser, alors c'est là que je reviens à mon jardin, comment utiliser la source actuelle dans le jardin, qui est réputée jamais tarie, pour parachever le chemin initiatique, commencé dans les Écritures, qu'elles soient bibliques ou coraniques. Elle ne rentre pas dans la source, elle ne remonte pas. Elle descend. Et ça fait référence à cette eau d'en haut et eau d'en bas qu'il y a tout au début. Donc l'eau partira bien de la source qui est en bas, mais n'y retournera pas. Au moins pas sans un passage régénérateur en mode mystérieux, caché, qu'on ne verra pas, qui ne dépendra pas de nous. Mais l'eau qui parcourra le jardin sera celle issue d'en haut, puisque en fait l'eau au départ vient du ciel. Et vive, c'est celle du ciel qui est vive. Voilà, j'en suis là. Bon, eh ben, tu as développé des choses tout à fait intéressantes que je vais pour certaines corroborer, pour certaines appuyer, et pour d'autres bien te dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. Et sur le dernier point que tu viens d'évoquer, l'eau vient d'en haut. Ouais, mais à quel moment elle arrive, elle vient d'en haut, sachant que la source, eh bien, elle vient d'en bas. Bon, ça c'est un point. Deuxièmement, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler sur ce qu'on appelle le mystère de la transsubstantiation ? Oui, ça je l'ai fait, mais il y a pas mal de... ça fait pas mal de temps. Là, je ne suis pas retourné dessus. Eh bien, par rapport au texte que tu viens de délivrer, peut-être que de regarder cette question-là pourrait éclairer ta lanterne. Une question, est-ce que la communion existe chez les protestants ? Bien sûr, elle existe, mais en fait, ce n'est pas, on n'a pas le... comment dire ça ? Elle est symbolique, c'est-à-dire qu'on ne part pas du principe que parce qu'un prêtre a béni la coupe, que tout d'un coup l'eau s'est changée en... ou le vin s'est changé en sang du Christ. Donc... En fait, tout est dans le symbole, à savoir que dans la coupe, c'est toujours du vin, et le pain, c'est toujours du pain. C'est-à-dire qu'on, Est-ce qu'il y a une hostie ? Il n'y a pas d'hostie, c'est du pain. D'accord, ouais, c'est ce qui me semblait. Ah, c'est du pain, du vrai pain. C'est du pain, du vrai pain. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que c'est ce qu'on avait à la messe quand j'étais gamin. Où le prêtre passait à la boulangerie avant de se dire la messe et puis distribuait du pain à la fin de l'office. Bon, alors, j'ai été intéressé par ta démarche à travers le Coran. Comment tu l'abordes, ça, ce Coran ? Est-ce que tu le lis dans le texte ? Tu as des exégèses ? Est-ce que... Alors j'ai, en fait, au départ, j'ai un Coran qui m'a été donné par un imam, là, le copain dont je parle, qui m'a offert, et c'est un Coran qui est en arabe d'origine et traduit en face. Ce qui fait que j'apprends pas l'arabe. Par contre, là-dessus, après ça, je me fie sur des... sur des sites, je vais sur les sites pour me faire guider parce que c'est tout un. Ah, oui, autant j'ai eu des dizaines d'années de travail sur la Bible, autant sur le Coran, je suis très très jeune. D'accord. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je te pose toutes ces questions parce que c'est intéressant. Donc tu travailles à partir d'un Coran traduit plus des sites internet ou d'autres lectures qui viennent étoffer ou étayer tout ça. Bon, alors, pour ma part, j'ai fait un petit travail, mais je m'aperçois que je n'ai pas assez pris en compte le jardin merveilleux. Mais on va y revenir. Alors, la source d'eau vive rapportée au jardin merveilleux. Voilà le titre de notre réflexion d'aujourd'hui. Alors, l'eau vive désigne l'eau de source par rapport à une eau stagnante, dormante. L'eau vive est l'eau pure qui donne la vie. C'est l'eau baptismale, donc une eau purificatrice. Et là, on se rejoint bien à travers ce que tu disais. En effet, les rites d'eau vive sont à rapprocher de la purification. Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, en plongeant le corps dans l'eau. Si l'eau vive signifie l'esprit, le baptême donne la vie à l'esprit. Je trouve ça très intéressant, si tu veux. Bon, et on se rejoint bien, hein, parce que tu l'as dit, je te le dis avec des mots différents, mais j'y rajoute un peu le baptême. L'eau de source symbolise l'Esprit Saint, ça tu nous l'as dit, et c'est aussi Dieu, cette eau de source, c'est aussi Dieu comme source de vie. Donc tout ça, c'est un... Tout ça se coordonne, si tu veux, pour, à travers l'eau, eh bien, nous donner vie à notre corps, mais donner vie surtout à notre esprit, et nous permettre de rencontrer Dieu. Les Juifs assimilent l'eau vive à la Torah. L'eau vive est aussi dans laquelle il y a des êtres vivants, des poissons. Et le poisson désigne les chrétiens vivifiés par l'abondance d'eau vive. L'eau vive, donc, contribue à la vivification de notre corps et de notre esprit. L'eau vive sort de Jérusalem pour se répandre en Orient. Alors, ça m'amène à une réflexion. Est-ce qu'il ne faudra pas orienter notre jardin merveilleux? Tous les grands monuments religieux sont orientés est-ouest. Est-ce que le jardin, il ne pourrait pas être orienté lui aussi? D'autant que géographiquement, c'est tout à fait faisable. L'eau vive surgit de rochers dans le désert. Et ça, quand je photographiais ton jardin et que j'étais près de la source, on dirait bien qu'elle sort de pierre, la source, elle n'est pas... elle sort du rocher. Elle sort du rocher. Alors l'eau vive étanche la soif. L'eau, c'est la soif d'éternité. Donc c'est une soif de Dieu, et donc c'est un breuvage spirituel. Et là, je vais répéter quelque chose que tu as dit, mais je vais te le dire avec d'autres mots. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, » dit le Christ. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Oui, c'est dans Jean, ça, oui. Voilà. Et l'Évangile selon saint Jean est un des plus beaux évangiles qui soient, pour des tas d'autres raisons, mais c'est peut-être un autre travail, ça. Voilà, j'ai terminé. Bon, je suis un peu moins prolixe que toi, mais peut-être un peu moins inspiré par l'eau. Parce que je pense qu'il faudra lui... cette eau, ben, il faudra la maîtriser, hein, sur ton terrain du jardin merveilleux. Il faudra qu'elle vienne arroser la nature, il faudra qu'elle nous transporte sur ce jardin. Et je pense que ça va être un bon vecteur. Voilà ce que je voulais te dire. C'est bien. C'est, en fait, l'eau, bon, c'était, le sujet était moins l'eau que source d'eau vive, c'est vrai. Parce que c'est vrai que sur l'eau, on peut être intarissable. Tout à fait. C'est le cas de dire. Voilà. Puisque c'est celle dont le corps a besoin, mais c'est celle aussi dont l'esprit a besoin. Donc en fait, il y a énormément de choses à dire. Par contre, c'est vrai qu'à partir de. J'ai mis du temps à rentrer dedans, parce que déjà, il y avait source dedans. Donc c'est le départ. C'est là où ça jaillit. Et vif. Le côté vif. Alors, et donc, toutes les eaux stagnantes, on n'est pas concerné par les eaux stagnantes, en fait. Non. Mais je relis là le dictionnaire de la Bible, tu le vois, si c'est le même. Oui. Hein, bon. Et je suis au chapitre de l'eau, pas de la source, mais j'ai coché quelque chose. Le Créateur séparait les eaux d'au-dessous des eaux d'au-dessus du firmament. Oui. Du firmament. Puis la terre et les mers, avant d'arroser par le fleuve à quatre bras le jardin d'Éden. Donc, en fin de compte, c'est de lui qu'il est question. Et toute l'eau dont on a parlé lors de notre dernier travail, eh bien, elle venait arroser le jardin. Et ça, c'est donner vie aussi, hein. Arroser un jardin, tu donnes vie aux plantes. Et si tu donnes vie aux plantes, tu donneras vie à l'esprit. C'est ça. On est dedans. On est dedans. Bon. Est dedans. Alors. Oui, vas-y. Je suis en train de revoir un petit peu les choses. Là, ça m'intéresse ton affaire de... d'orientation d'orientation du jardin. Et c'est vrai qu'on est en fait, on a une orientation qui est très variée en fait. On est en forme convexe et en forme convexe en fait, on peut avoir les orientations vers l'est et vers l'ouest. Ça c'est intéressant. Ça, c'est tu peut-être... peux m'expliquer la forme convexe, parce que je vois bien que, l'est et l'ouest. En fait, le centre, j'avais regardé ça au niveau géographique, puisque quand je me suis intéressé au jardin, j'ai dit, et en fait, à l'endroit où il y a la grotte, on est complètement sur le nord. Et que donc, la forme convexe, c'est notre ventre. Voilà. On a le nombril avec la grotte qui regarde vers le nord. Et ensuite, on a le jardin qui est représenté par le reste du ventre, qui s'ouvre sur l'est et sur l'ouest. Très bien. C'est assez marrant. Oui, et donc, il y a bien une partie qui est orientée vers l'est, comme Jérusalem, quoi, et une partie qui est orientée vers l'ouest. Mmh. Et c'est vrai que autant vers l'est, il y a beaucoup de choses qui corroborent ça. Bon, les orientations vers la Mecque, vers Jérusalem, tout ça, c'est toujours vers l'est. Mais là, il y a un truc vers l'ouest aussi. Ça, c'est rigolo. Alors, les églises et les temples, ils sont orientés comment ? Ah ben, normalement, c'est orienté vers Jérusalem. D'accord. Les temples aussi. Et normalement, les temples aussi. Puis après ça, il y a eu, à partir du moment où on est sorti un peu de l'emprise, de l'Église, l'emprise de Rome, avec les réformes, en fait, les réformateurs ont dit que ça n'avait pas trop d'importance en l'état. Et donc maintenant, on a des temples qui peuvent être orientés dans n'importe quelle direction, du moment qu'ils sont insérés dans le réseau des hommes, quoi, en gros. Donc, il peut y avoir des temples, en fait, qui sont insérés dans des... tout simplement parce qu'ils sont dans la rue, quoi, c'est tout. La rue est orientée comme ça, et puis voilà. Alors, le catholique va défendre un peu sa paroisse. Oui. Et, pas que lui, d'ailleurs, une bonne partie de la spiritualité... Mais tu as raison, tu as tout à fait raison. Est orientée est-ouest. Et tous les monuments sacrés de par le monde sont le plus souvent orientés est-ouest. Mm. C'est-à-dire que on on va vers la lumière. On va vers la lumière et on y va en pente douce. Si tu regardes bien, il y a des choses très intéressantes à propos des pentes et des orientations. Tu prends par exemple une majorité des temples égyptiens sont orientés, bien sûr, de la façon que je viens d'évoquer, et tu montes vers le temple. Donc il y a ce phénomène d'ascension, ce phénomène nécessaire où le corps va quitter l'esprit et où l'esprit, par cette ascension, va rejoindre son créateur. Une des grandes démarches des pharaons, était d'aller tous les jours vers le Naos, dans le temple, le Naos étant le Saint des Saints, et pour nourrir les divinités, pour leur donner vie éventuellement si elles venaient d'arriver dans le temple, et on leur donnait vie par le souffle. Il y avait une cérémonie du souffle qui donnait la vie à tous ces dieux qui attendaient respectueusement dans le Naos que le pharaon vienne les nourrir. Et en plus, il les nourrissait deux fois par jour. Ce qui a fait beaucoup de dégâts dans ces Naos, parce que quand il les nourrissait, il laissait la nourriture, mais la nourriture, il fallait l'enlever, il fallait la remettre, etc. Il fallait les éclairer, donc il y avait des torches. Tous ces Naos sont ressortis noirs de suie. Voilà. Bon, donc, cette orientation, si tu veux, est-ouest, eh bien, je pense qu'il faudrait en tenir compte dans le jardin merveilleux. Je suis d'accord. Et moi, je proposerais même, comme tu avais proposé pour la prochaine fois l'arbre de vie, oui. Moi, je proposerais bien le travail sur l'orientation du jardin pour la suite, pour après. Ah ben attends, je vais noter ça, parce que après, j'oublie. Et donc, le sujet suivant, parce que le sujet suivant, effectivement, c'est l'arbre de vie. Oui. Et donc, toi, tu parles de l'orientation. Comment tu l'appelles, ce travail ? Quelle orientation pour le jardin merveilleux ? Ah, c'est une question que tu poses. Quelle orientation ? Pour le jardin merveilleux. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ça sera le sujet numéro 6. Le 5 étant l'arbre de vie. Merveilleux. Alors, le 5 étant l'arbre de vie. Ouais. J'ai un travail numéro 5. Et là, l'orientation, c'est numéro 6. C'est ça. C'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est très intéressant, là, ce que tu m'as... Ça m'a bien saisi, là. Je dis, ah, mais oui, mais... J'avais commencé à réfléchir sur cette affaire d'orientation, ouais. Parce que ça a son importance, en fait, dans tous les édifices spirituels, et c'est notre espèce de société de consommation, là, qui a fait disparaître ce genre de choses. Bon, comme tu disais, défendre la position catholique, moi, je ne défends pas forcément la position protestante telle qu'elle est devenue. Cette position bourgeoise où finalement tout devient tellement symbolique qu'on s'en préoccupe plus, quoi. Tout à fait. Non, mais tu sais pourquoi. La vraie problématique, si tu veux, de toutes ces démarches, c'est que l'Église. Alors, l'Église protestante, je ne t'en parlerai pas, parce que je ne sais pas, mais l'Église chrétienne, si tu veux, a perdu énormément de son aura parce que le savoir qu'elle avait initialement est disparu. Donc il faut le retrouver. Les séminaires, moi, il m'arrive de temps en temps quand je rencontre un jeune séminariste, et bien de causer avec lui, si tu veux. Mm. Bon, alors d'abord, c'est assez rare de rencontrer un séminariste. Et qu'il accepte de causer avec toi, c'est encore plus rare. Mais bon, il y a des occasions comme ça. Et à chaque fois, tu vois que dès que tu commences à vouloir les faire décoller, ils ne suivent pas la roue. Ils ne suivent pas. Ils n'ont pas le bagage. Ils n'ont pas le bagage. Alors, ça m'amène à quelques réflexions, ça. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que le jour où César, Jules César, a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, il avait éradiqué une très grande partie de l'histoire et de la culture et de l'histoire de notre connaissance? Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Moi, en fait, je n'ai pas... Je ne sais pas, là, je suis un peu... Je suis novice en la matière par rapport à Alexandrie. Je me suis beaucoup intéressé aux Égyptiens, oui, beaucoup intéressé aux Grecs. D'accord. OK, mais en fait, la position de ce qu'il y avait à Alexandrie, j'en sais rien. Alors, Alexandrie accueillait tout le savoir de l'humanité. Ah oui. Et Jules César, quand il a voulu reconquérir Cléopâtre, eh bien, a foutu en l'air tout ce savoir. Ce qui fait que ça a été l'occasion pour les chrétiens de repartir en croisade. Parce que ils avaient besoin de retrouver ce savoir et ils pensaient que ce savoir et les sources en étaient à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Lequel temple était aussi, ils devaient le partager avec des Arabes pas toujours très conciliants. Donc, il a fallu que le monde chrétien retourne en Orient pour retrouver le savoir. Il a fallu que le monde chrétien aille toujours en Orient pour faire la connaissance des églises sacrées et faire passer du roman au gothique, c'est-à-dire de travailler en élévation. Le gothique, on ne l'a pas inventé dans nos parages. Le gothique, il nous vient d'Orient. Il nous vient de Sainte-Sophie, par exemple, était quand même un des monuments les plus en valeur. Et de ce fait, ils avaient trouvé la clé de voûte. Hein. C'est d'ailleurs toute une dialectique, si tu veux, à la fois philosophique et métaphysique, de la construction de l'église de Sainte-Sophie. Et à travers tous ces exemples, et bien d'autres que je ne connais pas, c'est en revenant de croisade que le monde chrétien, qui était le monde du savoir, entre guillemets, dans notre petite Europe, a commencé à fulminer et a commencé à travailler le gothique. Le gothique est né dans les années 1000. Oui. Hein, grosso modo. Avant, on était dans le roman, dans des petits trucs un peu écrasés, exigus, etc. Tout à fait charmant demeurant. Mais donc, on a voulu travailler en élévation, on a voulu se rapprocher de Dieu, et on a construit des temples à sa gloire avec des voûtes formidables qui rejoignaient le ciel, donc l'Esprit Saint. Bon, j'arrête mon prêche. Mais je trouve ça intéressant de de profiter, d'essayer de comprendre l'histoire de l'humanité et de voir où bien nous avons trébuché, là où et ces grands événements, de voir comment les grands événements nous ont fait évoluer de façon formidable. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions justement sur qu'est-ce qui s'est passé entre la civilisation romaine et puis le retour à des choses extrêmement basiques qui ont suivi, parce que c'est vrai qu'on voit que les Arabes et les Romains étaient quand même hyper avancés en matière d'architecture, en matière de connaissances, enfin tout ce qui venait de... Ça venait d'Orient, mais les Romains, en fait, ont piqué, justement, pas mal de choses en Orient. Et puis, tout d'un coup, on s'est aperçu que tout ça, ça a été éradiqué, nettoyé. Alors, est-ce que ça a été fait par les invasions ? Est-ce que tout ça, ça a été détruit par les invasions et donc on est reparti de la terre pour reconstruire ce qu'on avait perdu ? Là, il y a... Alors, je vais essayer d'apporter quelques réflexions à notre échange. Sainte-Sophie, qui a quand même une hauteur de 56 mètres. Tu parles d'Istanbul. Hein. Istanbul, tout à fait. Oui, c'est ça. Istanbul. On va revenir sur Istanbul, d'ailleurs. A ouvert ses portes le 27 décembre 537, après Jésus-Christ. Le monde romain, lui, s'est achevé vers l'an 400, avec l'arrivée des barbares. Oui. C'est les barbares qui ont dégommé le monde romain. Donc, 400 d'un côté, 537 de l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et où ? Alors, de mémoire, là je travaille de mémoire, tout ce que je te dis, là je... Ça mériterait d'être confirmé. Là, on est en train de parler de l'église de Byzance. L'église de Byzance, ou de l'Empire byzantin, pas l'église de Byzance, c'est une bêtise, l'Empire byzantin. L'Empire byzantin s'est trouvé en but avec Rome. Oui. C'était un concurrent direct de Rome. Et je pense que cet empire byzantin s'est affaibli à ce moment-là. Dès que y a des batailles, etc., ça affaiblit, ça a toujours affaibli. Sauf que quelquefois c'était des tremplins. Mais bon, là je pense que l'empire byzantin s'en est pris un vieux coup. Et donc il faudrait savoir ce qui s'est passé entre l'Empire byzantin et les Romains. Ils ne se sont pas fait de cadeaux, hein, les gars. Et nous, Européens, soi-disant dit comme tel, on est arrivés à Istanbul, à Byzance. On est arrivés quand ? À l'an 1000, quelque chose comme ça, l'an 1100, non ? Je ne sais pas. Tu te souviens de ça ? Non, là j'ai... Première croisade. Ouais. Bon. Voilà un petit peu des pistes de réflexion pour revenir à l'orientation des temples. Les Romains ont construit également sur les fondations des Grecs. Tous ces temples ont été construits les uns sur les autres. Oui. Les uns avec les pierres des autres. À commencer par l'Égypte. Hein. Ouais, Pharaon arrivait, pof, il dégommait la pyramide du gars d'à côté et il construisait son temple avec. Bon, je dis un peu n'importe quoi, mais quand tu te balades à Luxor et que tu te promènes dans ces temples... où là j'ai eu des expériences tout à fait étonnantes, aussi bien mystiques que personnelles. Et c'est... Bon. je me suis bien senti là, toi. C'est un des grands moments de ma vie personnelle où je me suis bien senti dans un temple. Oui. Et pas n'importe lequel, puisque c'était le temple, temple de Karnak, pas celui de Louxor. Le temple de Karnak. Et j'ai failli me faire enfermer tellement j'étais bien. La nuit, je ferme. Et c'est le musine qui m'a réveillé, quoi. Je m'étais endormi. Et j'étais bien. Et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre l'Égypte, de bien comprendre un certain nombre de choses. On pourra faire un travail là-dessus. Je ne sais pas quel rapport ça aura avec notre jardin merveilleux, mais on pourra faire quelque chose là-dessus. Oui, ouais. Mais en fait, quand tu disais... moi, je vois les choses qui sont en train de se construire, de se mettre en place. Il y a la question de l'eau. Tu disais l'orientation. Bon, on va travailler l'orientation. Ouais, ouais. Le fait aussi qu'on monte pour y aller. Moi, j'avais aussi parlé de que l'entrée serait en bas et pas en haut. Tout à fait. Donc, on est sur la bonne voie. Oui, je ne faisais même pas la relation par rapport à ce que je viens de te dire là maintenant, à propos des temples romains, des temples égyptiens, mais pas que, il y en a d'autres, il y en a d'autres qui sont venus étayer cette démarche. Mais effectivement, on doit monter. C'est ça. On doit monter. On verra de quel côté on monte. Ce qui est très amusant parce que régulièrement je vais au Jardin Merveilleux et la dernière fois que j'y suis allé c'était avec Michaela et puis elle me dit mais là qu'est-ce qu'on a, on était devant la source, elle me fait comment oui. On grimpe là-haut, ben, je lui fais t'inquiète pas Philippe, il va nous faire un escalier qui va bien cette discussion elle est là quoi. On est dedans, c'est ça. Eh bien, c'est bien. Voilà. Bon, à part ça. À part ça, c'est bien, parce que c'est le fait de se pencher là-dessus, ben, je trouve que c'est, dans nos temps un peu morbides, c'est super édifiant. Voilà. Et puis, c'est des petits moments de bonheur, non ? Ah, oui, ça fait du bien. Hein ? Ça fait beaucoup de bien. Ben, tu vois, c'était ce que je disais à Michaela à midi. Je lui dis, je vais avoir un petit moment de bonheur avec Philippe une fois qu'on aura évacué son Covid et mes pompes. Non, mais c'est bien de s'aménager ce genre de choses. Mais ce qu'il faudrait, c'est ces moments de partage-là qu'on a ensemble. Oui. Eh bien, il faudrait les avoir avec ceux que tu vas amener sur le terrain. Oui. Et ces moments de partage, eh bien, il faut que les choses s'y prêtent, si tu veux. Que la discussion qu'on a là, on a eu la chance, toi comme moi, pour des raisons diverses, de se plonger sur notre spiritualité, mais c'est pas le cas de tout un chacun, hein. Oui. Et par contre, c'est ça qui serait intéressant, c'est que on puisse à ceux qui viennent sur ce jardin, eh bien déclencher ce petit truc qui sera un peu différent pour tout le monde. Mais déclencher ce petit truc qui permettra de donner un peu de bonheur aux gens, de leur montrer sur un thème qui t'est cher et que tu évoquais là justement dans le petit travail, quand tu dis rien ne s'achète, quoi. Hein? Ou plutôt on dit qu'on doit acheter, mais en fin de compte on paye rien, quoi. Sinon que de notre personne et de notre capacité à nous métamorphoser et à nous rapprocher de Dieu. Voilà, c'est ça. Notre salaire, il est là. Je pense qu'il y a, ça me fait penser Il faudrait que je recherche. Il me semble que quelqu'un s'est penché là-dessus. En tout cas, si personne ne s'est penché dessus, je vais m'y pencher. Justement, sur cette phrase, venez acheter, et vous n'avez pas d'argent, achetez et prenez. Avec aussi ce qui coûte, les termes, en fait, qui font que... On en avait un peu discuté tout au début, quand on parlait de... c'est dans la souffrance que l'on apprend. Bien sûr. Et donc, il faut que ça coûte un peu. Bien sûr. C'est une phrase de Sylvie aussi. Elle dit, mais de toute façon, si en fait, il y a des choses qui ne coûtent rien, on a l'impression qu'elles n'ont pas de valeur. Exactement. On est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette phrase d'Ésaïe est intéressante, parce que acheter, ça veut dire que tu as quelque chose pour pouvoir acheter, et on te dit... Ne payez rien. C'est quand même bizarre comme truc. Hein. Bah, tu peux acheter une idée. Il faut que ça te coûte, mais t'as pas besoin d'argent. Alors, il faut que ça te coûte comment ? Voilà. Ça sera intéressant. Tu pourras me la passer, cette phrase, je vais regarder. Même si... De toute façon, je te passe le texte que j'ai écrit là. Ouais. Comme ça... Même si c'est pas trop ma sensibilité. Toi, je sais que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Dans ta démarche, pas oui. Uniquement spirituelle, tu ne veux pas, tu ne veux rien faire à bourse déliée, quoi. Et je pense que tu as raison. Je pense que ça fait partie de notre nécessité de sortir de cette société de consommation qui, elle, nous coûte, puisqu'on consomme, et quand on consomme, ça coûte. Sauf que là, eh bien, on va aborder le problème différemment et faire en sorte que il faudra que ça coûte, mais pas des deniers sonnants et trébuchants. Il faudra que ça coûte et on en revient au baptême. Au baptême dans le Jourdain, qui était quand même une petite épreuve, parce que tu te retrouvais... complètement submergé, etc. C'était quand même quelque chose d'assez violent, peut-être pas, mais assez viril, quoi, hein, quand Jean-Baptiste. Oui. Et ça demandait une préparation. Ça demandait... ça coûtait un peu, quoi. Ça coûtait un peu pour accueillir l'Esprit Saint. Alors, pourquoi aussi... Alors, est-ce qu'il y a un baptême chez les protestants ? Et en plus, en fait, tu as les protestants évangéliques qui se sont mis à baptiser, non pas uniquement en mettant de l'eau sur le front... Oui, ouais, en plongeant les gens dans leur... En plongeant, voilà. Ouais. Par immersion. Par immersion. Donc, on voit bien que dans nos religions, on a besoin d'être purifié. Nous naissons humains, mais... Notre rencontre vers Dieu se fera par cette purification. Mmh. On est d'accord sur le cheminement, c'est ça ? Et ce qui est intéressant, c'est que on voit comment les choses sont en train de se structurer, c'est que notre entrée, elle est bien en bas, et que c'est en bas aussi qu'il y a l'eau de la source. Ouais. Ce qui fait que, en fait, on passe par une purification avant de monter. Vers le temple. Ça, c'est bien. Tu vas installer une douche. Elle y est déjà. Bon, elle est un peu basse. Quand elle est un peu basse. Mais bon, on peut s'allonger et puis se faire doucher. Non, mais c'est bien ça. Mais tu te rends compte qu'il faut bien l'expliquer. Oui. Tu te rends compte que ta porte actuelle, elle est en haut. Et dans l'esprit des gens, des autochtones, tout du moins, c'est en haut que ça se passe. Donc, il faudra les faire grandir pour leur faire attaquer en bas. De même qu'en bas, tu te rappelles, sauf en ce moment, si tu es confiné, normalement, ta source, elle est dégagée. Il n'y a pas de bagnole. Oui. Et si tu dois rencontrer des autorités, à mon sens, ça serait bien de la faire dégager. Et est-ce que tu aurais le droit de faire une entrée par le bas ? Oui, bien sûr. Avec l'administration, oui, pas de souci. Oui, oui, pas de souci. Donc, il y a déjà, en fait, il y en a déjà qui sont numérotés en bas. Donc, en fait, ce n'est qu'un numéro supplémentaire. D'accord. Chez Sylvie Dujardin, c'est le 30, 30 K9. Et après. Et la grosse maison là, qui vient d'être vendue, je crois que c'est le 28. Il faudrait que je regarde, tiens. C'est sûr que... elle est en bas, là, mais la grosse maison, parce que moi, je la cherchais en haut. Oui. Ah, elle est en bas. D'accord. Elle a une... En fait, son adresse est en bas, mais elle a une entrée, petite porte en haut aussi. Oui, comme un certain nombre, hein, d'ailleurs. Il y en a un certain nombre qui... Alors, ça veut dire que si tu as ton numéro en bas, il faudra demander à la mairie de te dégager un espace pour rentrer chez toi, avec une interdiction de stationner. Oui. Maintenant, je veux bien me laisser interpeller là-dedans. Ça me fait penser un petit peu au Harry Potter, avec leur façon de rentrer dans le monde des sorciers, qui consiste à foncer dans une... dans une colonne de la gare de Londres. Et en fait, il n'y a pas d'entrée véritable, il n'y a pas de numéro. Et en fait, il y a juste à y croire. C'est assez marrant. Mais là, on est... Alors, il y a quelques idées qui me reviennent, là, qui peuvent être intéressantes. T'as encore un peu de temps, ça va? Oui, je pense qu'à partir du moment où le petit sera levé, il faudra que je commencerai à bouger, il faudra que j'y aille. D'accord. On en revient à ce dont je te parlais déjà, à la notion de rite de passage. Oui. Tu vois, ton sorcier, là, Harry Potter, il va entrer par une colonne de la gare de je ne sais où, tu as raison. Là, il y a la notion de rite de passage. Cette notion de rite de passage, elle implique qu'il y a un changement d'un état à un autre état. C'est un état terrestre, ou c'est un état spirituel, ou c'est les deux. On a, je reviens aux chrétiens, qui ont embelli leur église au retour des croisades, après avoir vu comment, en Orient, la clé de voûte permettait des élévations. C'était aux chrétiens qui demandaient à leurs ouailles de se laisser aspirer par le haut. Quand ils rentrent dans une église, si tu veux, ils voulaient émerveiller. Et je pense que nos cathédrales ont été faites dans cet esprit-là. Dans l'esprit d'émerveiller, de transmuter. C'est un peu ce que je te disais à propos de... quand j'avais eu cette vision où, quand on marchait sur le quai 9, en fait, les gens se redressaient, étaient aspirés vers le haut, justement, en rentrant dans le site du jardin. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à se redresser, qu'en fait, l'essentiel était en haut et plus en bas. Ouais. Bon, mais ça, il faut le gérer, hein, le bazar, là. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Voilà, mon ami Philippe. Est-ce qu'on a satisfait ta réflexion? Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Ah oui. Vider un peu. Oui, c'est bien. Hein, ça avance bien. Ça avance bien. C'est surtout que je me sens beaucoup mieux maintenant que je peux réfléchir. Oui, ben ça c'est sûr. Mais en même temps, tu vois, j'arrive par ce biais-là. Je comprends ma belle-mère qui est en fait dans un tel état de fatigue qu'elle ne pense plus, qu'elle n'arrive plus à penser. Bien sûr. Et c'est un peu ce que j'ai, le savoir que j'ai retiré de ça. C'est qu'il y a un moment où, en fait, on est tellement bas que, on ne sait pas, on survit. En gros, on survit. Ouais. Le corps, ça va, mais l'esprit, en fait, ne fait que survivre. C'est, on ne se pose même pas la question, qu'est-ce que je vais devenir demain? C'est, comment faire la minute qui vient, quoi. En gros, c'est ça. Est-ce que tu as pensé à ces fameuses directives anticipées dont je t'avais parlé il y a quelque temps ? Oui, pensé, oui, mais pas plus. D'accord. J'en ai parlé à Sylvie, ça oui. Ah, tu en as parlé à Sylvie, qu'est-ce qu'elle en pense ? Ben, elle, en fait, elle, pour l'instant, elle est au fond du trou. Alors, elle n'en pense rien. D'accord. Et elle a été plus sonnée que toi, en fin de compte. Ah oui, elle a été beaucoup plus sonnée que moi. Oui, elle l'est encore. Elle l'est encore. Donc là, c'est vrai qu'on a quelques échanges sur WhatsApp pour, avec des amis, pour que les amis qui sont restés à Strasbourg puissent l'accompagner, quoi. Parce que bien sûr. Moi, je suis ici, mais elle, elle est là-bas, quoi. Et, pourquoi tu es resté ici ? Pour t'occuper de la... Bah pour la femme enceinte, quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, Sylvie, bon, moi, ça allait. Quand elle est partie, en fait, elle était sur la pente remontante, mais elle s'aperçoit que c'est beaucoup plus long que prévu, quoi. C'est là-bas qu'elle s'est aperçue que ça n'allait pas, quoi. C'était pas suffisant, en tout cas, pour reprendre les choses en main face à une classe d'élèves, quoi. D'accord. Et ta fille, elle a un mari ? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait, le mari ? Il bosse en ce moment et il n'est pas en télétravail, donc il n'est pas à la maison. D'accord. Et c'est un peu pour ça que s'il y a quelque chose qui se passe, c'est moi qui dois emmener ma fille avec le petit, en fait. Et en fait, on doit se retrouver à la clinique. Après ça, c'est le mari qui arrive à la clinique et moi qui reviens avec avec le premier fils, quoi, le petit. D'accord. Et t'as pas eu peur de les contaminer ? De les contaminer. Non, en fait, on est passé tous les deux devant médecin, Sylvie et moi-même, et on est dans les règles. On est resté en fait 8 jours en isolement total. Moi, j'étais, c'était quand j'étais à la campagne là. Ouais, tout à fait. Et là, j'avais personne à contaminer, donc en fait, je me suis auto-contaminé, puis. Et puis, en fait, quand on est arrivé, là, ils ont rien. On leur a rien filé. Hein. Et pourtant, ça fait 8 jours, 10 jours maintenant. D'accord, très bien. Il faut quand même être vachement prudent. Hein. Oui, il faut être prudent. Il faut être prudent, il faut éviter de... Il faut aérer les pièces, il faut... Il a quel âge, ton petit-fils ? 2 ans et demi. Exactement, aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. 2 ans et demi, aujourd'hui. D'accord. Ouais. Bon. Il va bien, lui, il est... Oui. Ouais. Là, il faut le... Il faut le supporter, c'est bon. Bon, tu maîtrises. Il est vif. Bon, voilà, il est comme l'eau. Il est comme l'eau. C'est la chanson de Guy Béard, ça. L'eau vive. Ah oui, tout à fait. Bon, ben voilà, mon ami. Écoute, on a encore d'autres choses à se dire ? Oui, on se donne un rendez-vous de principe. Ah oui, ça pour la fois prochaine. Ça c'est bien de principe. C'est bien de principe parce que je ne sais pas du tout comment ça se gère. Non, mais c'est pas grave, ça. Moi, j'ai besoin d'avoir des rendez-vous de principe et c'est des petits moments de, je vais dire, d'espoir, quoi, de me régénérer à tes côtés. Oui. Ça me fait un bien fou, hein, je te promets. Alors, semaine prochaine, qu'est-ce que tu proposes ? Semaine prochaine, qu'est-ce que je propose ? Moi, j'ai toujours les moments de sieste, où je peux. Ouais. Alors, sans ça, il y a de temps en temps, il y a quelques matins, mais la semaine prochaine, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de matins. Je ne sais pas dire le mercredi 18, mais le jeudi 19 à 15h, ça te va ? Ça t'irait ? Allez, jeudi 19, 15h. J'avais un rendez-vous, mais il s'est peut-être décommandé. Comme ce rendez-vous, il ne peut pas avoir lieu. Voilà, c'est noté. Jardin merveilleux, voilà. Et on travaille sur l'arbre de vie. Ah. Je te réserve une surprise sur l'arbre de vie. Mais c'est peut-être pas une bonne surprise, j'en sais rien. Il faut que j'approfondisse. Enfin, Oui, il y a énormément de quoi dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus et qui interpellent. On ne va pas rentrer tout de suite dans le sujet. Hein, mais non, on ne rentre pas, mais on va tâcher d'y rester, quoi, de bien se cantonner à cet arbre de vie, quoi, sans trop de dérapage incontrôlé. C'est bien. Voilà. Ça marche. Bon, allez, bah, jeudi 19-15h. À bientôt. Salut mon ami, et puis pouponne bien, bon courage, ciao. Ah oui, salut.